Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse richement. Que le Seigneur bénisse aussi le directeur de chants. Ou de belles cantiques de Sion. Je suis en train de remercier toute l'Église. Je remercie notre très cher pasteur et son associé et tous ses collaborateurs, le diacre administrateur, pour des moments plus que merveilleux que nous avons passé ici. Je remercie aussi chacun de nous. Je crois que si mon séjour a été agréable, c'est grâce à vos sacrifices. En un mot, que le Seigneur vous bénisse richement. Je vais vous lire une écriture pour vous remercier. Je remercie aussi la femme de notre pasteur, notre maman, avec tous les enfants qui sont dans la maison, des sœurs, pour leur noble service qu'ils ont accompli à notre faveur. Que le Seigneur les bénisse richement. Je remercie aussi même le frère Albert, qui a été toujours disposé pour venir nous chercher et nous amener à l'église. Je reconnais des fois où moi j'étais en retard, mais lui était déjà là. Que le Seigneur aussi les bénisse richement. Je vais vous remercier par cette écriture de Matthieu chapitre 10, 40e verset. Écoutez ce que le Seigneur lui-même a dit. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Ici, c'est le Seigneur lui-même qui dit ça. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Vous avez reçu seulement un petit Didier comme ça. Mais ce n'est pas Didier que vous avez reçu. Le Seigneur a dit, c'est lui-même que vous avez reçu. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense des prophètes. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra la récompense des justes. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'aide de ce petit parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne manquera pas sa récompense. Oui, celui qui a prononcé ces paroles est fidèle. Il soutient sa parole qu'il accomplisse pour vous aussi. Oui, bien, mes frères et sœurs. Mon séjour dans les Katanga est presque en train de finir dans ce voyage ici. Je crois que ce mois ici, c'est le dernier mois. Le frère Eugène Kapande de Mbashi m'a communiqué une église où je vais prêcher la semaine ici. Et après, je peux revenir à Likasi. Ça sera presque vers la fin déjà. Donc, la fin du mois ici, je dois clôturer le voyage. Est-ce que vous acceptez que nous apportions vos salutations partout où nous allons passer? Merci bien, mes frères et sœurs. Nous sommes là pour la parole. Beaucoup de frères et sœurs vous ont salué dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pendant toute la semaine, nous avons parlé du temps de la préparation. Et nous avons démontré que chaque réunion de prière, chaque prédication, chaque cantique que nous chantons, frère, tout ce que l'on fait ici doit être considéré comme une préparation. Ce n'est pas pour rien que nous avons quitté les dénominations. Si nous avons quitté les dénominations, si nous avons quitté le monde, ce n'est pas pour venir mourir ici. Quittons là-bas, mais venons mourir ici, non. C'est pour nous préparer, frère. Le message que nous avons reçu est un message de préparation. L'épouse est préparée par la parole que son époux lui a envoyée. Oui, bien mes frères et sœurs. Que chacun de nous, frères, prenne la préparation au sérieux. Prenons la préparation au sérieux. Oui, bien mes frères et sœurs. L'Église est préparée pour la gloire, devenir semblable à lui, tel qu'il est, tel que nous le sommes. Est-ce que vous êtes là? Oui, bien, mes frères et sœurs. Tel qu'il est, tel que nous serons. J'aimerais que, frère, je vais lire beaucoup des écritures. J'aimerais que la technique soit prête. Postez-nous 1 Corinthiens chapitre 15. Je vais lire du verset 1. C'est la vérité, bien, mes frères et sœurs. 45e verset. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Trouver les écritures dans la machine, c'est facile. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam, devint une âme vivante. Et le dernier Adam, le dernier Adam, est devenu un esprit vivifiant. Le Seigneur Jésus est le dernier Adam. Il n'y a pas un troisième Adam. Il y a eu un premier et un dernier. Allez, frère. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ou naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre. Tels sont les terrestres. Tel est le céleste. Ville eko wa kumbingu. Tels sont aussi le céleste. Ville nabo beko ba kumbingu. Écoutez ça. Mushikei. De même que nous avons porté l'image du terrestre. Ville vile trouvé ma picha ya kidunia. De même que nous avons porté l'image d'Adam. Ville trouvé ma picha Adamu. Nous porterons aussi tout à beba tena, l'image du céleste. 50. Ce que j'ai dit, frère, kile ni kuna sema banduku, C'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptible. De la même manière que nous avons pour, nous sommes les enfants d'Adam. De cette même manière aussi, nous devons porter l'image du céleste. De Jésus. Devenir semblable à lui. Pour que tu deviennes semblable à lui, il faut la préparation. Oui, bien aimé, frères et sœurs. L'église est préparée pour la gloire. Le monde fait des préparations, des préparatifs pour leur propre destruction. Ouvrez les yeux. Et voyez seulement ce monde. Le monde est secoué. Le monde est dans le chaos. Quelle heure est-il? Dans quelle heure nous sommes? Bien-aimés frères et sœurs. Mettons-nous debout, nous lisons directement. Romains chapitre 13. Nous sommes déjà dans la prédication. Romains chapitre 13, les versets 11e au 14e. Écoutez ce que la Bible nous dit. Je lis dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Cela importe, d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Le temps où nous sommes là, c'est l'heure de nous réveiller en fin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons crié. Mon frère, la nuit est avancée. Ce monde est vraiment dans la nuit. Ce monde est en train de sombrer dans la nuit. Le jour approche. Notre délivrance est proche. L'avènement du Seigneur Jésus-Christ est proche. C'est pour cela. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de table et de l'ivrognerie, de la lessive, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Nous devons nous dépouiller, frères, de tout ce qui n'honore pas Dieu dans nos vies. Nous devons nous dépouiller de ces choses-là. C'est le temps de nous examiner, de nous comparer notre vie avec la parole. Tendre Père, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde. Aide-nous, Seigneur, de comprendre en quel état nous sommes. Et que nous prenions la préparation au sérieux. Aide mon frère, aide ma sœur, aide nous Seigneur, aide ton église. Ô Père, nous sommes faibles, nous sommes des hommes, nous sommes des faillibles. Parce que toi tu es infaillible, que celui qui est faible Seigneur donne-lui la force, que celui qui est tombé se relève. Oh Seigneur, oh, buon. Ta grâce au Père, ta miséricorde. Nous nous abandonnons entre tes mains. Sois avec nous ce matin. Que les malades soient guéris. Que les affligés consolés. Que ta parole soit prêchée. Que les perdus soient sauvés. Que nous puissions expérimenter ta main. Si tu béniras une place ce matin, ne nous oublie pas. Merci Seigneur. Du début jusqu'à la fin. Où est ton instrument? bâtiment par lequel tu vas nous parler ce matin. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous t'avons prié, nous t'avons demandé par la foi. Amen. Amen. Église de Dieu vivant. Il y a déjà trop insensibles. Il y a déjà trop insensibles. C'est-à-dire que il écoute et il prend des remords, mais il continue. Frère, un jour, tu vas te réveiller. Je vais me réveiller, mais je ne verrai pas le soir. Ou bien je vais voir le soir, mais je ne verrai pas le matin. Tu seras où? Je serai où? Ne sois pas insensible à la parole de Dieu. On ne se manque pas de Dieu. Le temps des aventures est derrière nous. C'est la vérité, bien mes frères et sœurs. Nous devons nous déplier de tout ce qui n'honore pas Dieu. Du péché qui nous a enveloppé si facilement. Frère, postez-nous 1 Corinthiens chapitre 11. 17e verset. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Marchons honnêtement. Comme des enfants de la lumière. Comme des filles de Dieu. Des filles de la lumière. C'est la vérité. Écoutez ce que la Bible nous dit. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, ce que vous vous rassemblez, chaque jour nous sommes ici, le mardi nous sommes là, le jeudi nous sommes là, le mercredi nous sommes là, le vendredi nous sommes là, le dimanche, chaque semaine, le mois prochain, l'année prochaine, nous sommes ici, nous nous rassemblons. Écoutez, au lieu que nous devenions des meilleurs, mais nous devenons encore pire. C'est que vous vous rassemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Ce n'est pas correct. Frère, la parole de Dieu a l'effet. La parole de Dieu doit influencer nos sentiments. La parole de Dieu doit influencer nos mains, notre marche. Notre marche. La parole de Dieu doit influencer notre façon de parler, notre façon d'agir, notre façon de voir des choses. Tout cela doit influencer tout notre être, doit influencer par la parole de Dieu. C'est la vérité. Ne sois pas insensible à la parole. On ne se manque pas de Dieu. Préparons-nous pour la gloire. Préparons-nous pour la gloire, frère. Moi, je ne connais personne ici. Ici, je suis devant les saints. Je suis devant des saints. Est-ce que vous êtes là? C'est la vérité, frère. Depuis que je suis dans le Katanga, je lève ma main. Je n'ai jamais rencontré un ancien qui me donne des instructions comment je vais prêcher. Qui me dit même les problèmes de l'église. Que le Seigneur le bénisse richement. Est-ce que vous êtes là? Que le Seigneur les bénisse richement. Nous parlons de la part du Seigneur. La parole de Dieu nous a ramassés quelque part pour faire de nous des meilleures personnes, des meilleures femmes, des meilleurs maris. des meilleurs enfants, des meilleurs citoyens, des bonnes personnes. C'est la vérité. Oui, frère. Sentinelle. Jam. Qu'en est-il de la nuit? La nuit est avancée. Le jour approche. Et la sentinelle va nous répondre. Les femmes marchent nues. C'est le temps que nous sommes. Les femmes marchent nues. Au nom de la mode. Les femmes mondaines ici. Elles marchent nues. Elles sont membres des églises. C'est grave, frère. Elle devient de plus en plus légère. La vie de Sodome et Gomorrhe est revenue. La vie de Sodome et Gomorrhe est revenue. C'est la vérité. Nous vivons des jours sodomites. Il y a des pays qui ont légalisé même des homosexualités. Que les hommes se marient avec les hommes. Que les femmes se marient avec les femmes. C'est-à-dire quoi comme ça? Quelle immoralité ça? Frère, les blancs ne sont spéciales à rien. Les blancs. Bazung. Ne sont spéciales à rien. Abana ba mafamu kito takimoe. Ils n'aiment pas Dieu. Aba mpende Mungu. Ils aiment la richesse. Bana penda butaji. Ils aiment l'argent. Bana penda feza. Ils aiment la bonne vie. Bana penda maisha mzuri. Ils n'aiment pas Dieu. Aba mpende Mungu. Ils aiment la magie. Bana penda bushawi. C'est ce qu'ils aiment. Jobi bana penda. Les blancs. Bazung. Ils aiment l'argent. Bana penda feza. La bonne vie. Maisha mzuri. La vie luxueuse. Il n'aime pas Dieu. Il n'y a pas de place pour Dieu dans leur cœur. Est-ce que vous êtes là? Frère, l'Afrique est bénie. Dieu est adoré en Afrique. Et Dieu fait toujours la différence aussi. C'est la vérité. Vous n'avez pas vu? Quand Covid est venu. Covid. Quand Covid a frappé, COVID l'OMS, quand les blancs ont commencé à mourir, Bazungu, ils sont trop hygiéniques. Et ils sont trop hygiéniques. Alors, ils ont commencé à mourir comme des mouches. Leur argent ne les a pas délivrés. À Covid. Ou malaria Covid. L'air hygiénique. Il est ne les a pas délivrés. Contre Covid. Ou malaria Covid. L'air magie. Il est magende yabo. Ne les a pas délivrés. Contre Covid. Magonjo Covid. Ils ont commencé à jeter de l'argent. Ils ont commencé à jeter de l'argent. En Espagne. En Italie. En Italie. En Portugal, Portugal, les gens ont commencé à jeter des dollars. Qui avait vu ça? Pendant la COVID. Qui avait vu comment ils jetaient l'argent? Si tu as vu ça, soulevez ta main. Personne n'a suivi. Comment ils jetaient l'argent? Il ne faut pas seulement suivre des théâtres et des choses comme ça. Il faut suivre les informations. Ils ont commencé à jeter l'argent. L'argent ne les a pas sauvés. Contre Covid, l'OMS a fait des déclarations. L'OMS, les présidents africains doivent se préparer au pire. C'est-à-dire que comment ils ont vu les blancs mourir, ils se sont dit en Afrique ça sera un désastre. Nous allons mourir comme des mouches. Mais Dieu t'a adoré en Afrique. Dieu t'a adoré en Afrique. Bien mes frères et sœurs, Bien mes frères et sœurs, après Kisha, l'OMS, OMS a changé le langage. Non, wana, vous voyez en Afrique, na Afrika, parce qu'ils prennent beaucoup de produits bia contre la malaria. Malaria, c'est comme ça, Zopale, la COVID n'a pas eu d'effet. Non, c'est le poste, frère. Aina ile nduku, c'est Dieu ni Mungu qui nous a protégés. Notre Dieu a montré la différence. Nous ne prions pas Dieu. Nous n'aimons pas Dieu. Parce que nous n'avons pas l'argent. Parce que nous n'avons pas la bonne vie. Parce qu'il est Dieu. Il aime l'adoration. Il aime être célébré. Il aime être loué. Il est vivant. Oui, frère. C'est la vérité. La parole de Dieu s'accomplira toujours. Il y a des médecins ici. Si nous pouvons leur demander, bon, vous dans la médecine, entrez dans l'histoire de la médecine. Quelle est la maladie qui a secoué le monde comme ça? Comme la COVID. COVID. Frère, donc, il y a des pandémies, bien sûr. Peut-être en Europe, peut-être en Afrique, peut-être en Amérique, ou dans un coin comme ça, dans une province quelque part, mais pas la COVID. La COVID a secoué le monde entier. La COVID, il t'en cache la vie entière. Le monde est sous douleur. Ce monde a vieilli. Ce monde a vieilli, frère. Prenons la préparation au sérieux. Quand la COVID a frappé, les gens sont devenus un peu sérieux là. Il n'y a plus de moyens. Maintenant, il n'y aura plus la prostitution. Hein. Parce que, avec COVID, vous devez rester un maître. Est-ce que vous êtes là? Alors maintenant, il n'y aura plus dans la prostitution. Ils ont commencé à vivre une piété fabriquée de la peur de COVID. Les gens du message ont raison. Hein? Ça, vraiment, nous sommes vraiment dans la fin. Hein? Église de Dieu vivant. Ce monde hein, est en train de sombrer. C'est la criminalité. On a parlé de ça hier. La criminalité. C'est terrible. Avec la pauvreté. Et tout ce qu'on connaît. Les hommes commencent même à vendre des parties du corps des autres. Est-ce que vous êtes là? Vous voyez ça? Non, on a kidnappé tel. On a levé tel. Donc, nous commençons à nous entre-dévorer. Quel état nous sommes en train de vivre? Frère, Nduku, que Jésus-Christ revienne. Jésus-Christ nous ôter de cette terre. C'est lui notre seul espoir. C'est lui notre seul espoir. Qui vient nous délivrer de ce monde qui a vieilli, frère. C'est la vérité, frère. C'est terrible. Tous les signes précurseurs du Seigneur Jésus s'accomplissent sous nos yeux. Chaque jour, les signes précurseurs du Seigneur Jésus, ce qu'il avait annoncé, s'accomplissent sous nos yeux. Prenons la préparation au sérieux. Nous adorons un Dieu sérieux. Toi aussi sois sérieux avec ce Dieu-là. Que moi aussi je sois sérieux avec ce Dieu-là. Oui, bien mes frères et sœurs. Les économies du monde par terre. Par terre, frère. Le réchauffement climatique. Tous ces signes-là, ça doit interpréter l'Église. Interpeller. Oui. Ça doit nous interpeller, frère. Église de Dieu vivant. Ça, c'est l'état de ce monde. Et dans cet état de chaos, de sombriété que le monde est en train de sombrer, Dieu, lui, il fait des préparatifs. Dieu fait des préparatifs. Église de Dieu vivant, pour sauver ceux qui peuvent être sauvés. C'est la vérité. Dieu prend des dispositifs pour sauver ceux qui peuvent être sauvés. C'est l'amour de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Dieu est amour. Dieu est le Dieu de la grâce. Il ne veut pas notre destruction. Oui, bien, frères et sœurs. C'est la vérité. Mon frère, ma sœur. Prenons l'échappatoire de Dieu. L'échappatoire de Dieu. C'est la vérité, frère. Donne ta vie au Seigneur Jésus. C'est notre lieu de refuge, Jésus. Pour tous les malheurs qui vont tomber sur la terre. Il n'y a qu'un seul lieu de refuge. C'est accepter Jésus-Christ. C'est la vérité, frère. Rien n'est tué dans le monde aujourd'hui. Postez-nous un peu Luc. Nous lisons un peu les Écritures. Luc 21. Luca sura makumi mbili na moja. 34e verset au 36e. Mstari makumi tatu na ine paka makumi tatu na sita. Luc. Luca. Écoutez ce que la Bible nous dit. Mushie kile Biblia inasema. Prenez garde à vous-même. Mukebe anye kwa mwe benyewe. De crainte que. Waoga. Vos cœurs ne s'appesantissent par les excès de manger et de boire. Et par les soucis de la vie. Par les soucis de la vie. Et c'est que ce jour ne vient sur vous à l'improviste. Il viendra comme un filet sur ceux qui habitent sur la surface de la terre. De toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps. Ne sois pas dans la distraction. À cause de la vie difficile. Ne soyons pas distraits. À cause de la politique. La politique n'apportera rien, n'apportera pas la solution. Ne passons pas notre temps à des choses inutiles. Veillez donc et priez. Et le frère Branham, quand il a interprété cette écriture, de veiller et prier, il s'est surveillé la venue du Seigneur. Nous surveillons la venue du Seigneur. Veillez donc et prier en tout temps. En tout temps. Afin que vous ayez de la force. force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Ce monde ici, il y a des mal en pire. Des mal en pire. Il n'y a pas longtemps chez nous, les événements qui se sont succédés, il y avait les gens, les chiens d'abord, les chiens. Les chiens commençaient à mordre les gens. Ils te mordent et tu meurs. Nous avons enterré les gens. Pas une personne, pas quelques personnes, mais des personnes qui sont mortes à cause des chiens. Et on a enterré les gens. Les médias ont parlé et les journaux ont commenté. Après cet événement-là, il y avait un problème de l'essence. L'essence commençait à brûler les gens. Vous achetez des pétroles comme ça? On a usé pétrole. Avant que les Chinois portent des torches ici. Et vous allez vous allumer comme ça. Même ma propre mère était victime de ça. J'étais dans un voyage vers 2000 combien là? On m'appelle, on m'a dit que non, maman aussi est brûlée. Il y a eu des gens qui étaient morts comme ça. Après ces événements, il y a eu Covid. Non, pas Covid. Le chikungunya. Vous n'avez pas connu ça peut-être. Nous avons connu ça, chikungunya. Chez nous et à Kinshasa partout. Chikungunya c'était quoi frère? Vous dormez là, vous êtes en bonne santé. Et vous allez au lit. Frère, pour vous réveiller, votre pied, vous sentez comme si ça devient comme ça. Oh. Des hommes dits forts, jeunes, mais vous les voyez, on les transporte pour amener à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il y a chikungunya? Ah. Et les gens étaient morts. Des morts et des morts. Les médecins, vous avez écouté ça, oui? Banganga murshiaka ile. Les médecins, est-ce que les médecins? Banganga eti. Vous avez écouté ça? Murshiaka ile. Il y a des mains là-bas. Je vois le frère. Il y a des mains. Les médecins ont soulevé les mains. Ils connaissent ça? Les gens sont morts comme ça, frère. Batu barikufa mule na muna. À cause de chikungunya. Jutu ya chikungunya. Et après c'est passé. Na ile na yo repeat. Quand le chikungunya est passé, la COVID-19 est venue. Malaria COVID-19 n'a pas eu. Frère, où va ce monde? Dunia iko naenda wapi? Et tout ça, na ile yote, les gens sont insensibles. Bantu abaguswe. Prenons la préparation sérieuse. Tubebe matayarisho na moyo wetu yote. Donc, le monde va se mettre mal en pique. De mal en pire. Et ça va encore s'empirer. Quand la parole de Dieu dit cela, ça va encore s'empirer. Après la COVID, quand ils voulaient un peu éternuer, la guerre de l'Ukraine a débarqué. Et ça a bloqué le monde entier. Cette guerre-là, de la Russie à l'Ukraine, ça bloque tout. Les exportations sont bloquées. Les commerces sont bloqués. Et des choses deviennent de plus en plus difficiles. Frère, le monde va s'empirer. Le monde est condamné. Ce monde est condamné, frère. Appliquons la parole. Tutumie neno. Applique la parole, mon frère. Tumia neno nduku. Mettez en pratique la parole. Tumikia neno. C'est la vérité. Nibia kwe. Jacques chapitre 1. Yakobo sura ya kwanza. Verset 22e. Musari ya makumi mbili na mbili. C'est le temps de prendre la préparation sérieuse. Verset 22e frère. Jacques. Jacob. écouter. Mushiki. Mettez en pratique la parole. Tumiki a neno. Et ne vous bornez pas à l'écouter. Na mushishima mietu pa kuishikia. Nous sommes très contents. Tuko na fura sana. Quand la parole de Dieu prêchée. Neno na ubiriwa. Des frères sont dans la joie. Nduku beko mfura. Des sœurs sont dans la joie. Dada beko mfura. Ma sœur. Dada yam. Mais si vous ne les mettez pas en pratique, qu'est-ce que cela vous servira? Cela nous servira à quoi? Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter. À vous trompant vous-même. Pas de faux raisonnement. Montez, mes frères. C'est le dernier verset. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage et après avoir regardé le miroir, quand vous ôtez le miroir, vous avez perdu comment est votre visage. C'est de la même manière. Est-ce que vous êtes là? Si tu honores la parole, Dieu va t'honorer aussi. Dieu honore la foi. Si tu honores Dieu, Dieu va aussi t'honorer. Si tu déshonores Dieu, Dieu aussi va te déshonorer. Mettons en pratique sa parole, frère. Ne nous bornons pas à l'écouter. Ne nous bornons pas à l'apprécier. Mettez-les en pratique. Oui, bien, mes frères et sœurs. C'est la vérité. Église de Dieu vivant. La corruption. À tout niveau. Et c'est terrible. Dans la justice, il y a la corruption. Dans les études, il y a la corruption. Donc, les hommes sont corrompus. Frère, Duku. Que Dieu nous aide, frère. Mungu atusaidie nduku. La magie, Majende. La sorcellerie en tout lié. Uchawi fazi yote. Tu es sorti de l'université. Natoka ku university. Tu as tes diplômes de licence. Unapata diplôme ya kwa licence. Mais frère, Duku. Quand tu vas au travail là, kama wakati utaenda kutumika tafuta. Le diable aussi t'attend là-bas. Shetani naye kuchunga kule. Du fait que des milliardaires, des investisseurs, ce sont des occultistes et des magiciens. Ils vous proposent la magie. Moi, je connais un frère chez nous qui est parti chercher un travail dans une société très réputée là. Et pendant la réunion, ils mangeaient ensemble. Un grand frère que moi j'ai connu aux études. Nous avons le même territoire que lui. Alors le frère là me dit, un jour je le raconte là-bas au travail. Je suis parti voir les grands frères là. Oh, il me dit, nous sommes allés. Oh, vous êtes ici, oui. Je suis venu voir tel. Je suis venu voir tel. Mais c'est notre chef ici. Il dit, ah oui, c'est notre vieux. Ah bon? Et le frère va me dire, il dit, ah, frère. Ah, Nduku. Là, c'est à l'église. Ah! Mais votre grand frère là, elle est loin. Il est loin. Quand nous mangeons avec lui, dans la pause, ils vont dans les guests pour manger. Alors il va commencer à dire à tout le monde. Chez nous, dans tel domaine de la magie. Chez nous, c'est bien. Il n'y a pas de sacrifice. Tel domaine, c'est mauvais. Et soit mauvais. Nous, c'est bien. C'est un prédicateur de la magie. Il cherche à gagner les âmes. Les amener dans la magie. Est-ce que vous êtes là? Il n'a pas honte. Ils n'ont plus honte. Est-ce que vous êtes là? Le monde devient comme ça. Ils ont maintenant des temples officiels. Telle maison occulte. Telle maison occulte. Frère. Si tu vas là-bas, il faut savoir ce que tu as crié. Il faut savoir à qui tu as crié. Tu dois connaître ta position. Que je suis une fille de Dieu. Je suis un fils de Dieu. La bonne vie ici, c'est rien. L'argent aussi, c'est rien. Sinon, le diable va te piéger. C'est la vérité, bien, mes frères et sœurs. Les hommes ont corrompu. Nous avons corrompu nos voies. Comme au temps de Noé. La méchanceté était grande. Nous vivons les jours de Noé. Nous vivons les temps de Sodome et Gomorre. Nous voyons cela. Oui, frère. Écoutez la méchanceté d'état de Noé. Genèse chapitre 6. Premier verset au 4e. Écoutez l'homme. Quand le Seigneur avait promis que le jour de Noé reviendrait. Lorsque les hommes y commençaient à se multiplier sur la surface de la terre, et que les filles leur finaient, les fils de Dieu vit que les filles des hommes étaient belles, et ils en prient pour femmes, parmi celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit, et Dieu n'a pas accepté ça. Dieu n'a pas accepté ça, frère. Mon frère, ne fais pas l'erreur. Bougez un peu les frères ici, il dort. Ne fais pas l'erreur. N'aie même pas ça dans ta pensée. Quand tu vas te marier, d'aller te marier avec une blanche. Ne fais pas l'erreur. Quand tu vas te marier, de te marier avec une païenne, tu vas regretter toute ta vie. Des femmes sont ici. Même s'il faut avoir l'argent pour se marier, les femmes sont ici. Même si elle parle un bon français là, ne te trompe pas à cause de sa beauté. Ne te trompe pas à cause de ses paupières. Tu vas regretter toute ta vie. Dieu n'a jamais permis cela, frère. Le frère Branham dit, en aucun cas, un fils de Dieu, une fille de Dieu, ne peut se marier avec un incroyant ou une incroyante. En aucun cas. C'est la vérité. C'est la vérité, frère. Viens chercher même une sœur ici qui a un pied. Voilà. Elle sera une femme pour toi. Ne fais pas l'erreur. Tu viendras avouer au pied de ces gens. Je dois dire la vérité. Tu n'avais pas dit la vérité. Quand j'ai dit que la sœur venait de Lubumbashi là, oh, il venait de tel côté. J'avais trompé ma sœur. Que Dieu me pardonne vraiment. Là, tu commences à pleurer. n'y a pas un bon païen. Akuna mpagano mzuri. Ou une bonne païenne. Au mpagano mwanamke mzuri. Même s'il a l'argent. Ata iko na fedha. Même s'il est chef. Ata iko mkuu. Même s'il est propre. Ata iko msafi. Il n'y a pas un bon païen. Akuna mpagano mzuri. C'est la vérité, frère. Ni bia kweli ndugu. Mansa c'est la vérité. Dada yangu ni bia kweli. Que Dieu nous aide vraiment. Mungu atusaidie hakika. Nous étions où, frère? Et Dieu a regretté dans son cœur. Mungu alizunika moyo wake. Il a décidé. Aribeba mpango. Il dit mon esprit ne restera toujours dans l'homme. Quand l'homme n'est que chair. Et ce jour ne sera que de 120 ans. Quatrième verset. Cinquième verset. L'éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et que toutes leurs pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. La méchanceté de l'homme était grande sur la terre. L'éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme. Sur la terre, il fit affliger à son cœur. Dieu fit affliger. Bien mes frères et sœurs. Ah, j'étais où? À Lubumbashi. Chez le frère Albert. Quand nous revenions de l'église, avec la sœur et les enfants, frère, il a le chien dans sa parcelle. Alors quand la sœur, la dada est descendue de la voiture pour aller entrer dans la maison, le chien a vu. Le chien a vu que sa maîtresse est revenue. Le chien, tout joyeux là, à côté de sa maîtresse, elle tourne comme ça, elle voit comme ça, elle accompagne la maîtresse jusqu'à la maison. Un chien reconnaît sa maîtresse. Un chien reconnaît son maître. Mais l'homme ne connaît pas son Dieu. Ne connaît pas son maître. Dieu fut affligé à ce que les hommes faisaient. Est-ce que vous êtes là? C'est terrible, frère. Que Dieu nous aide. Comment le chien peut reconnaître son maître? Mais l'homme créé à l'image de Dieu, tu ne reconnais pas qu'il y a un Dieu. C'est terrible. Que Dieu nous aide, frère. À être des fils de Dieu. À être des filles de Dieu. Qui reconnaissent ce que notre maître fait. Dieu fit affliger. Dans son cœur. L'éternel dit, alors il a décidé. Parce qu'il a dit. L'éternel dit. Je terminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, quand je me répète de les avoir fait. Oui. Qu'est-ce que Dieu peut faire? Le frère Branham, il dit Dieu ne détruit rien. Dieu ne peut pas détruire une personne quand cette personne-là n'est pas dans l'esprit de la destruction. Dieu ne peut pas aussi te bénir quand toi-même, hein, tu n'es pas disposé à recevoir la bénédiction de Dieu. Dieu, il ne confond jamais entre un coupable et un innocent. Dieu ne fait pas que cette confusion-là. Il appelle un coupable coupable. Il appelle un justifié un juste. C'est l'homme, nous, ce que nous faisons, nos actes, qui attire la colère de Dieu. Et tous les comportements que vous voyez les gens de ce monde, que vous voyez toutes ces femmes, que vous voyez toutes ces couloula, faire des dégâts comme ça, il tue les gens sans pitié et il les jette, il les prend dans les sacs et il les jette. Tout ça ne fait qu'attirer la colère de Dieu. Il sort dans l'esprit de la destruction. L'esprit de la destruction a saisi les hommes. L'esprit de la destruction a saisi la terre. Oui, bien le frère et sœur. C'est la vérité. C'est la vérité. Dieu doit juger cette terre. C'est la vérité. Quand il est juste, dans sa justice, il doit punir les méchants. Oui, bien, mes frères et sœurs. Mais Noé, le verset 8e. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Le temps de Noé devait être jugé. Ils étaient jugés. Ils ont attiré la colère de Dieu. Mais Noé, tout va grâce aux yeux de Dieu. Et le Seigneur a promis que le jour de Noé reviendra encore dans cette terre. Luc 17, 22e jusqu'au 37e, c'est loin, je ne lis pas. Ce qui arrivera au temps de Noé, ce qui arrivera au jour de Lot, arrivera de même. La méchanceté de Lot, la méchanceté au temps de Noé est revenue. Nous voyons ça des coulounes, des criminels. Oui, qui tue les gens. Autrefois, c'était quand on dit. On a levé tel. Peut-être qu'il doit être un politicien que le gouvernement l'a levé. Mais aujourd'hui, ce sont des criminels, des coulounas, des kidnappés qui vous enlèvent, c'est pour vous tuer. Tu ne les as rien fait. Frère, c'est grave. Que Dieu nous aide vraiment. Que Dieu nous aide. C'est pitié, frère. Et il parle devant le juge. Non, nous sommes comme ça, nous faisons faire comme ça, on fait comme ça. Église de Dieu vivant. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Le Seigneur a dit dans l'écriture que je vous ai donné là, je ne vais pas l'y passer. Il dit. Quand vous verrez ces choses arriver, vous redressez vos têtes. Quand votre rédemption est proche, et dans Matthieu, nous allons lire Matthieu. Dans Matthieu, il dit, à cause des élites, ces jours seront abrégés. Ces jours ici doivent être abrégés. À cause de nous. Il dit, tant vous verrez les jours de Noé, les jours de Sodome et Gomorrhe revenir, nous entrons dans le cycle de l'enlèvement. Attends, nous lisons ça. Frère, postez-nous les critiques que j'ai dit là. Ma Luc 17. Commence même un peu à Luc 17. 30. Luc 17. Luca 17. Commencez la lecture vers. Nous commençons la lecture vers 26. Mais vous pouvez écrire 22 juste. Moi, je commence vers 6 pour gagner le temps. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même au jour des fils de l'homme. Si à ce jour ici que ces choses ici s'accomplissent, Les hommes mangeaient, vivaient et se mariaient, et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge, et le déluge vint et le fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot, arrivera pareil, pareillement, les jours mangeaient, vivaient, les hommes vivaient, mangeaient, acheter, vendre, planter, baptiser. Mais le jour où Noé sortit de, de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba sur du ciel. Et les fils tous périrent. Il en sera de même le jour où le fils de l'homme apparaîtra. À ce jour-là, celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour le prendre. Et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Il avait un pied dedans, un pied dans la parole, un pied au monde. Ma sœur, dans les choses de Dieu, ou bien tu es chrétienne, ou bien tu ne l'es pas. Ne faut pas nager des deux côtés. Mon frère, tantôt comme un païen, tantôt comme un frère. Non. Ça, c'est la position de la femme de Lot. Elle est sortie, mais ses pensées étaient toujours là. Son corps était sorti, mais ses pensées étaient toujours à Sodome. Ses pensées sont restées dans la prostitution. Ses pensées sont restées dans l'ivrognerie. Ses pensées sont restées dans des choses de ténèbres. Nous devons nous dépouiller de toutes ces choses-là. Église de Dieu vivant. Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous l'ai dit, à cette nuit-là, des deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. L'homme et la femme dans un même lit. L'un est pris, l'autre reste. Des deux hommes qui seront dans les champs. Là, c'est la journée. Des deux personnes qui seront dans un même lit la nuit. Des deux femmes qui iront moudre à la mêle. L'une sera prise, l'autre laissée. C'est quoi? C'est l'enlèvement. Tout ce que nous voyons ici, les signes qu'ils accomplissent, cela veut nous dire que nous sommes entrés dans le cycle de l'enlèvement. À bientôt, l'épouse partira. C'est pour cela, frère, c'est le temps de prendre la préparation au sérieux pour que ce jour-là, tu ne sois pas surpris. Tu viens chercher le pasteur n'est pas là. Il est parti. Tu viens chercher son associé, il n'est pas là. Il est parti. Tu viens chercher le diacre, il ne soit pas là. Il est parti. L'église est fermée. Mais où est le frère? Faites attention, frère. La parole de Dieu s'accomplira toujours. Avec toi ou sans toi. C'est la vérité. Si tu es prêt, tu partiras. Mais si tu ne seras pas prêt, tu vas rester. Dieu accomplira sa parole. Avec toi ou sans toi, Dieu accomplira sa parole. C'est la vérité. Le mal a abondé. Le mal Bubaye unazidi. Abonde. Unazidi. Abonde. Unazidi. Medie. Lakini Mungu. Bien mes frères et sœurs. Apendo ndugu na dada. Quand vous lisez dans Matthieu 24, j'ai sauté. Wakati utasoma Mathayo 24, 21 jusqu'au 28e verset. Là, la Bible nous dit qu'à cause des Élis, ces jours-ci seront abrégés. À cause de toi et moi, je vais abréger ces jours. Parce que si ces jours ne sont pas abrégés, personne ne sera sauvé. Dieu, lui, ne détruit rien. Pour qu'il détruise l'homme, hein? L'homme doit être dans l'état, dans l'esprit de la destruction. Frère, faites attention. Hein? Josué, écoutez ce que Josué nous dit. Josué 23. 15e verset au 16e. Église, écoutez ce que Josué dit. Dieu est le Dieu de la justice. Il est le Dieu de la justice. Josué. Écoutez, Mushiki. Hey, comme toutes les bonnes paroles que l'Éternel notre Dieu vous avez dites se sont accomplies pour vous. Vile masemo yote ya mzuri wa milele Mungu wetu alimialaka iliweza kutimilika kwenu. De même, l'Éternel accomplira sur vous toutes les paroles mauvaises. Vile wa milele Mungu atatimiza yulu yenu maneno yote ilisema ya mubaya. Dieu, Mungu, aide. Il a la miséricorde. Il fait grâce. Parce que tu écoutes sa parole aujourd'hui. Ça, c'est la grâce de Dieu. Mais c'est même Dieu-là. Il est aussi le Dieu de jugement. Il est aussi le Dieu de jugement. Il nous a fait grâce aujourd'hui. Il t'a fait grâce ce matin. Pour que tu écoutes sa parole. Mais c'est même Dieu-là. Frère. Si tu as lassé la patience de Dieu, tu as lassé. Tu as lassé la patience de Dieu. Dieu te patiente aujourd'hui. Que aujourd'hui, c'est dimanche, ma fille va m'accepter. Toi, tu dis, ah non, demain. Il t'attend encore demain. Demain, mon fils va mettre sa vie en ordre. Toi, tu fais les mafous. Il t'attend encore l'autre là. Jusqu'à ce qu'un jour, la patience de Dieu va terminer. Va arriver à la fin. Et le frère Branham appelait ça la ligne de démarcation. Entre la grâce et le jugement. Si tu arrives là, plus de grâce. Toi, tu vas penser que, même avant ma mort, quand je serai dans l'hôpital, je vais me repentir, mettre ma vie en ordre. Parce que je vis une mauvaise vie. Là, c'est ton raisonnement. Est-ce que vous êtes là? Quand je prêchais à Kalukuluku, pendant la semaine passée, un frère est mort. Il est mort comment? La semaine passée ici, il a reçu un autre frère qui est venu le visiter à la maison. Ils ont causé très bien. Le frère devait partir. Il veut maintenant l'accompagner. Quand il est parti pour l'accompagner, avant qu'il se sépare, il fait une crise. Et il est tombé. On les ramasse. Il était dans l'inconscience. Il est déjà mort là. Toi, tu sais comment tu vas mourir. Parfois, tu n'auras même pas le temps de te repentir. Parfois, l'église n'aura même pas le temps de prier. Parce que parfois, on n'aura même pas le temps de prier. Parce que tu es déjà mort. La maladie, ce n'est pas la mort. Mais, magonjwa na lufu. Il y a beaucoup de gens qui sont malades, ils ne sont pas morts. Kubantu mamingi wa bagonjwa, mea bakufu. La mort, c'est le départ. Mais, lufu ni mwendo. Ça viendra. Itakuya. Au moment où toi, tu ne t'attends pas. Wakati le wa utajokesha. Soyons prêts. Tukwe tayari. Reverons encore là-bas, frère. Turudie tena kule. Il dit. Anasema. Non, là, je... ok, attendez. Et toutes les mauvaises paroles. Qu'il a pensé contre vous, il va l'accomplir aussi. Jusqu'à ce qu'il vous ait détruit, de détruire ce bon pays qu'Éternel votre Dieu vous a donné. Le verset 16e. Si vous transgressez l'alliance que l'Éternel votre Dieu vous a prescrit, et si vous allez servir d'autres dieux et vous vous prosternez devant elle, la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous et vous périrez promptement dans le bon pays qu'il vous a donné. Est-ce que vous êtes là? Il est le Dieu de sa parole. Il soutient sa parole. Le même Dieu que nous chantons pour lui. Jésus, le roi des rois. Jésus, le roi des rois. Les démons s'abaissent devant. Tu chantes avec joie là. Il est le roi des rois. Il nous a sauvés. Ce même Dieu là que je prêche ce matin. Frère, ce même Dieu là. Si nous ne prenons pas, nous n'honorons pas sa parole, ce même Dieu là, il est aussi le feu dévorant. Il est le Dieu de jugement. Il est le Dieu de la justice. On ne se manque pas de Dieu. Ne fais pas de notre Dieu un grand-père. Ne t'habitue pas avec Dieu. C'est moi qui suis le diacre. C'est moi qui suis le choriste. Moi je suis le prédicateur. On ne se manque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. On ne se manque pas de Dieu. On ne se manque pas de Dieu. Oui, l'église de Dieu vivant. Et comme les hommes ont attiré la colère de Dieu sur eux, bien aimé frères et sœurs, Dieu lui, comme il est le Dieu de la grâce, il a pourvu aussi une grâce. Ma sœur, mon frère, ne mourrez pas avec ce monde. Ce monde ici est en train de sombrer à la mort. Prenez l'échappatoire de Dieu. Accepte Jésus-Christ. Il te faut combien de prédications? Pour que tu prennes la décision d'accepter Jésus-Christ, d'accepter le vrai baptême, il te faut combien d'exhortations? Que Dieu nous aide, frères. Frère, c'est une erreur grave qu'un homme, qu'une femme marche sans avoir pris la décision d'accepter Jésus-Christ dans sa vie. De donner sa vie au Seigneur Jésus. C'est une erreur grave. Ni ne mourrez pas pécheur. Ne mourrez pas sans prendre la bonne décision d'accepter Jésus-Christ. Ne fais pas cette erreur. C'est la vérité, frère. Mon frère, ma sœur, ne mourons pas avec ce monde. Prenons l'échappatoire de Dieu. C'est le temps de nous préparer. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. La grâce de Dieu a surabondé. Oui, bien, mes frères et sœurs. Les gens de Noé se sont corrompus. Mais Noé a trouvé grâce. Bougez les frères qui sont après toi. La grâce de Dieu aujourd'hui, c'est le message que nous croyons. C'est la grâce de Dieu. Aujourd'hui, oui, bien, mes frères, c'est. Le message que nous croyons, c'est la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que juste Après Akisha, que l'épouse Bibi Arusi, est partie à l'enlèvement, frère, Nduku, il y a une chose qui va venir après l'enlèvement. Et Dieu a vu ça. Na Mungu aliona ile. Dieu a vu le jugement tomber au temps de Noé. Mungu aliona hukumu inaanguka wakati ya Noé. Il a enlevé déjà Enoch. Aliweza kunyakuliwa le juste. Le type de l'église. Dieu voit quoi après l'enlèvement? La grande tribulation. La grande tribulation, frère. Des nations. Juste après l'enlèvement, la grande tribulation va s'abattre. Ce n'est pas les hommes qui ont appelé grands. Mais c'est Dieu qui a appelé grande tribulation. Est-ce que vous êtes là? Dieu a déjà vu ça. Frère, des vierges folles vont faire comme ça. On va même les tuer. Apocalypse 7, 14, lisez ça, on ne lit pas ça. On va même les tuer. Par la bête. Tous les pouvoirs seront investis à la bête, à l'église catholique, pour faire la guerre au sein, à la postérité de la femme, à la postérité de la femme, ceux qui sont restés, qui gardent les commandements de Dieu, la bête va faire la guerre contre lui. Et va le tuer. N'atabaoua. Va le tuer. Atabaoua. Est-ce que vous êtes là? Et tu parler? Frère, Nduk, ça sera terrible. Itakuwa ni atari kabisa. Pour ceux qui vont manquer l'enlèvement. Ça sera terrible. Ça sera terrible. Itakuwa ni atari kabisa. Tout ce que Dieu fait est correct. Dieu veut nous amener dans son échappatoire. Prenons la préparation au sérieux. Pour ne pas raconter la grande tribulation. Ce monde est jugé. Ce monde est condamné. Mais Dieu a ouvert une brèche. Pour toi et moi. Amen. Amen. Pour notre salut. Dieu a ukovu yetu. Ça, c'est l'amour de Dieu. Ile ni mapendo ya Mungu. C'est la grâce de Dieu. Ni neema ya Mungu. Malachi chapitre 4. Malachi chapitre 4. Malachi sura ya 4. Premier verset. Musara ya kwanza. Qu'est-ce que Malachi dit? Anasema, quand voici le jour vient, wani tazama shiku inakuya, ada comme une fournaise, moto sawa et tous les auteurs, na bale ba kiburi, et tous les méchants, na batu babaye, seront comme du chaume. Batakuya sa ni majanya kuya. Le jour qui vient, le shiku kunakuya, les embrassera. Itabalungusha. Dit l'Éternel des armées. Anasema milele wa majeshi. Ne leur restera ni racine, ashita bachata muzizi, ni rameau. Aoritao. Pour les méchants. Babad. Le jour de la colère de Dieu qui va venir. Ya kastera, ya Mungu va les embrasser tous. Retournons là-bas, frère. Deuxième verset. Mais, lakini, pour vous qui craignez mon nom, jina langu, pour toi et moi, wako mi, qui honorons le nom de notre Dieu, jina ya Mungu, se levera le soleil de la justice. Jua ya waki, et la guerre sera sous ses ailes. Na matunzo takwa yule ya mabaya, vous sortirez. Utatoka, et vous sauterez. Mutaruka, nous allons sortir. Tutatoka, et bondir de la joie. Na tutashuluka na fura. Nous allons bondir de la joie. Tutaluka na fura. Oui, bien, mes frères et sœurs. Je wapenda ndugu na dada. Et vous sauterez comme le veau d'une étable. Na mutaruka saba toto ya ngombe muma fazi ya bokulali. Et vous foulerez les méchants. Na mutakanyanga watu kai sero comme la sande sous la plante de vos pieds. Au jour que j'ai préparé. Dit l'Éternel des armées. Anasema wa milele wa majeshi. Cinquième verset. Cinquième à sixième. Mais avant que ce jour n'arrive, le jour de la colère de Dieu n'arrive, qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a promis? Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour de la colère de Dieu vienne, Dieu doit envoyer Élie le prophète. Frère, quand les dénominations lisent ces versets, ils disent que Dieu enverra Élie le prophète. Nous ne lisons pas comme c'est l'affaire. Nous lisons Dieu a envoyé Élie le prophète. Élie le prophète est venu. Élie Anabi à Shakuya. Le frère Branham est venu. Le message a été prêché. Avant que le jour de l'éternel n'arrive, ce jour grand et redoutable. Mon frère, qu'est-ce qu'il vient de faire? Ce prophète-là, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Cela s'est accompli avec Jean-Baptiste. Et non. Les cœurs des enfants à leur père. C'est ce que William Arubana m'a venu faire. De peur que je ne vienne frapper le pays de l'interdit. Dieu voit le jugement qui vient. Mais par son amour, il ne veut pas que toi tu puisses mourir. Il ne veut pas que je puisse mourir. Il a ouvert une brèche. Un échappatoire. D'échapper à la grande tribulation. De nous amener à l'enlèvement. Est-ce que vous êtes là? Et Mukupane. Frère, Nduku. Par l'amour de Dieu, Dieu nous a ramené sa parole. Dieu a restauré son hôtel. Dieu a ramené la doctrine des apôtres. Dieu a ramené la vraie foi. La vraie nouvelle naissance. Le vrai baptême du Saint-Esprit. Le vrai Dieu. Le vrai baptême dans l'eau. Les vraies expériences. Dieu a ramené tout ça. C'est la vérité. Frère, qu'est-ce qui reste maintenant? Poser encore cette écriture. Mais il y a une chose qui reste. Qui est encore dans la promesse. Le verset 6e, je crois. Okay. Et il ramènera les cœurs des enfants à leur père. C'est la chose qui reste. La chose qui reste, que ton cœur, que mon cœur soit ramené à Dieu. Est-ce que vous êtes là? Parce que Dieu a restauré sa parole. Dieu a restauré la foi. Dieu a restauré le vrai baptême. Fini la confusion. La lumière apparaît. Au temps du soir, la lumière apparaîtra. Frère, ma sœur, dis à Dieu, Seigneur, Wana, ramène mon cœur à ta parole. Yako. Que je vive la vie de l'obéissance. Ça doit être notre prière, frère. La lumière du soir à Paris. Mais pourquoi Dieu a fait paraître sa lumière? Pourquoi Dieu a fait paraître sa lumière? Pourquoi Dieu a envoyé le message? C'est pour que les enfants de la lumière apparaissent. C'est pour que les filles de la lumière apparaissent. De Thessaloniciens chapitre 5:5. 2 Thessaloniciens, bien 1 Thessaloniciens. Regardez les versets où on dit, vous êtes les enfants de la lumière, marchez selon la lumière. Est-ce que vous êtes là? 1 Thessaloniciens, c'est pas 2, mais 1 Thessaloniciens. Vous êtes tous les enfants de la lumière. Dieu a manifesté mon frère, a manifesté ma sœur, la lumière dans ce temps où le monde est dans les ténèbres. Dieu a manifesté la lumière, c'est pour que les enfants de la lumière, les filles de la lumière apparaissent. Vous êtes tous les enfants de la lumière. Des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Nous sommes les enfants de la lumière. Marchez selon la lumière. Agissez selon la lumière. Quand la lumière apparaît, Zacharie 14, 6e à 7e verset. Alors rapidement, bien mes frères et sœurs. Mon frère, qui est dans la technique. Zacharie 14. Zacharie 14. À ce jour-là, il n'y aura pas de lumière. Quel jour? C'est ce jour ici. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière apparaîtra. Je vous pose la question, frère. Est-ce que l'Église, vous croyez que la lumière du soir apparaît? Amen. Vous croyez cela de tout votre cœur? Que le Seigneur vous bénisse. Mais pourquoi Dieu a fait paraître la lumière du soir? Pourquoi Dieu a envoyé la parole de la promesse? C'est pour que les filles de la lumière apparaissent. C'est ce que nous sommes. C'est ce que vous êtes. C'est pour que les fils de la lumière apparaissent. Bouge ma sexe. Mon frère, marche comme un fils de Dieu. Marche comme des filles de Dieu. Partout, au travail, à l'école, manifestons la lumière. Manifestons la lumière. Soyons un peuple puissant. Un peuple uni. Oui, bien, une fois, c'est ça. Prêt à servir Jésus-Christ. À parler aux gens de Jésus-Christ. Amenez à Jésus-Christ. Amenez les gens à la lumière. Travaillez pour Jésus-Christ. Il a fait paraître la lumière, frère. C'est pour que les enfants de la lumière, c'est pour que les filles de la lumière apparaissent. Oui, Église de Dieu vivant. Qui est-ce que Dieu cherche maintenant? Qui est-ce que Dieu cherche maintenant? Oh, Église de Dieu vivant. Quand tout ont péché. Tout ont péché. Et sont privés de la gloire de Dieu. Tout se sont corrompus. Tout ont corrompu leur voix. Il n'y a pas un seul qui fasse le bien. Le monde va de mal en pis, de mal en pis. Il n'y a pas un seul qui fasse le bien. C'est ce que la Bible nous dit. Romains chapitre 11. 3e ou 5e verset. Bien aimé, frères et sœurs. Église de Dieu vivant. Postez-nous Luc. Non, avant dans Luc 12. Oui, que Ambele à Luca 32e verset. Mustera makumita tunambili. Dieu cherche qui maintenant? Mungu anatafuta sasa nani? Église de Dieu vivant. Kanisa ya Mungu ikwai. Ne écoutez ce que le Seigneur nous dit. Mushike kile Mungu anasema. Ne que point. Msiogope. Petit troupeau. Ne que point. Petit troupeau de Kabo. Ne craignez point. Ne craignez point. Petit troupeau. De Kabo. Ya Kambo. Car votre père Baba yenu a trouvé bon mzuri de vous donner le royaume. Le monde s'est corrompu. Les gens sont dans la confusion. Pile, mes frères et sœurs. Mais toi et moi, Dieu nous a fait grâce de nous donner sa lumière. Pour notre salut. Pas pour notre destruction. Mais pour notre salut. Ne qu'un point. Petit ou quand votre père a jugé bon de nous donner le royaume. L'église de Dieu a toujours été dans la minorité. L'église de Dieu a toujours été dans la minorité. C'est la vérité, bien mes frères et sœurs. Oui. Dieu nous regarde maintenant. Dieu te regarde maintenant. Dieu regarde maintenant cette église. Psaume 14. Premier verset au troisième. Dieu regarde maintenant cette église. Le tabernacle chrétien de Kambov. Kambov tabernacle. Kambov tabernacle. Dieu nous regarde maintenant. Dieu regarde cette église. Au chef, non, le centre de David, écoutez, David, l'essentiel dit à son cœur, je vais vers la fin, écoutez sa fin. Il n'y a pas de Dieu. Ah, même nous qui n'en prions pas, même eux qui priaient, nous sommes tous les mêmes. La fin de tout, quand tu meurs là, c'est la fin. C'est sur la Bible, que ces gens-là, des insensés. L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ils se sont corrompus tous. Tout le monde a corrompu ses voix. Ils ont commis des actes abominables. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Mon frère, il n'y a aucun qui fasse le bien. Les hommes ont corrompu leur voix. L'éternel Dieu des cieux regarde le fils de l'homme. L'éternel Dieu des cieux regarde le tabernacle de Kambov. Regarde l'assemblée de Kambov. Ce matin, il veut voir quoi? Regarde le fils de l'homme pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous se sont égarés, tous ont perverti. Il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Mais Dieu, lui, il cherche une sœur. Ah. Même si tout le monde ne veut plus de moi, est-ce que dans l'assemblée de Kambov, il n'y a pas une sœur, vraiment. Il n'y a pas une fille qui honore Dieu, qui aime Dieu, qui garde les commandements de Dieu? Il n'y a pas un frère. Il n'y a pas une personne. Les salis. Ma sœur, écoutez. Mon frère, écoutez. Les salis ne dépendent pas de beaucoup de temps que tu as fait dans les messages. Tu peux croire aujourd'hui et Dieu accueille ta foi. Et celui qui a cru longtemps, il ne fait que des chutes. Il ne fait que des théâtres. Toi, tu crois aujourd'hui? Leo, Dieu a gagné ta foi. Confirme ta foi. Imani yako. Et tu seras ton fils. C'est la vérité, bien frère. Dieu nous regarde. Tout a corrompu les voix. Les hommes ont corrompu les voix. Pendant ce temps, Dieu regarde. Le fils des hommes. Cette assemblée. Dieu nous regarde. Oh, église de Dieu vivant. Que Dieu nous fasse grâce. Oui. C'est la vérité, bien, mes frères et sœurs. Le Dieu de chaque génération. Le Dieu de toutes les générations. Dieu ne peut pas manquer de témoins. Ma sœur, mon frère, dans chaque âge, dans chaque génération, Dieu ne manque pas de témoins. Dieu ne manque pas de filles. Dieu ne peut pas manquer de filles. Dieu ne peut pas manquer de fils. Dieu ne peut pas manquer ses serviteurs. Dieu ne peut pas manquer. Non. Il ne peut pas manquer. Somme. Zaburi 22, 31, 31, 32. Le Dieu de toutes cette génération, le Dieu de tous les âges, je ne peux pas manquer de témoins. Même si les hommes se sont corrompus, comment? Mais Dieu regarde. Est-ce qu'il n'y a pas une sœur? Est-ce qu'il n'y a pas une fille? Est-ce qu'il n'y a pas un frère? Frère, commencez par 30. Ok. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Si aujourd'hui, frère, toi tu refuses d'accepter Christ, mais les enfants que tu trouves à jouer dans la rue là, ils vont accepter Christ. Ils vont servir Christ. Quand il viendra, même les enfants d'école de dimanche, toi tu refuses de servir Christ, mais les enfants d'école le dimanche là, ils seront des sœurs, ils seront des frères qui vont servir Jésus, qui vont aimer Jésus, qui ne vont pas connaître le monde, qui n'auront rien à voir avec le monde et qui vont servir Jésus, honorer la parole de Dieu. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. La postérité les servira. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Ma sœur, mon frère, cette postérité-là qui devait annoncer les œuvres de l'Éternel, notre Dieu, aujourd'hui c'est toi, aujourd'hui c'est moi, aujourd'hui c'est notre tour de servir Jésus, aujourd'hui c'est notre tour d'aimer Jésus, aujourd'hui c'est notre tour de montrer à Jésus que Jésus nous t'aime. Que tu es le Dieu aussi de ma génération. Tu es le Dieu aussi de mon temps. Servons Jésus. Mes sœurs, servons Jésus. Mes frères, servons Jésus. Colossiens chapitre 3. 23e verset. Oui, frère. Ma sœur, mon frère, servons Jésus. Ce n'est plus le temps de Paul, de la Bible. Ce n'est plus le temps de frère Branham, de servir Jésus. Ce n'est plus le temps de Pierre, de servir Jésus. Ce n'est plus le temps de Zaï, de servir Jésus. Ce n'est plus le temps de David, de chanter pour l'Éternel. Ce n'est plus son temps. Aujourd'hui, c'est notre tour de chanter pour lui, de l'aimer, de le louer, de le célébrer, de marcher avec lui. Servons Jésus le Seigneur. Écoutez maintenant. Tout ce que vous faites pour la cause de notre Dieu, faites-le de bon cœur. Comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Quand tu viens prier, ne viens pas pour qu'un frère voie que tu es venu. Quand tu viens chanter, ne viens pas chanter pour qu'un homme vienne que tu es venu. Quand tu viens me balayer l'église, viens balayer l'église, ne pas pour qu'on voie que tu es venu balayer l'église. Quand même tu soutiens l'œuvre de Dieu, ne le fais pas pour qu'un homme le voie que tu soutiens l'œuvre de Dieu, mais faites-le pour que Dieu le voie et qu'il t'écoute. Écoutez, lisez, frère, posez. Revenez Ndouko. Tout ce que vous faites, je reprends la lecture. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Ok, montez maintenant. Chassez que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servons Christ, le Seigneur. Servons Christ, frère. Ma sœur, servons Christ. De véhicules ici vont rester. Des maisons qu'on y construisons vont rester. Des habits vont s'user. Est-ce que vous êtes là? Des dollars vont passer. Il y a beaucoup de gens qui ont laissé ça. Bien-aimés frères et sœurs, investissons dans le royaume de Dieu. Tout ceci, cette vie n'est que du sable mouvant. La bonne santé n'est pas une garantie. L'argent n'est pas une garantie. Le mariage n'est pas une garantie. Un homme peut te décevoir. Une femme peut te décevoir. Bien, mes frères et sœurs, mais Jésus-Christ ne te décevra jamais. Tu peux te renvoyer de ton travail. Ne faut pas mourir à cause des soucis. Dieu pourvoira notre travail. Ne mêle pas avec des soucis. Parce que tu n'as pas l'argent. Si nous avons Jésus, nous avons tout. C'est la vérité. Oui, bien, mes frères et sœurs. Servons Jésus-Christ le Seigneur. Servons Jésus-Christ le Seigneur. Si notre tour de servir Jésus. Si notre tour d'aimer Jésus. Oui, Église de Dieu vivant. C'est la vérité. Oh. Dieu nous regarde maintenant. Il nous regarde. Il regarde cette Église. Est-ce qu'il n'y a pas un frère? Pourquoi s'il n'y a pas un frère? Pourquoi s'il n'y a pas une sœur? Qui lui fait confiance? Dieu regarde cette église. Je lis seulement un verset, nous allons clôturer là-bas. Dieu regarde cette, nous regarde maintenant. Il n'y a pas une sœur qui l'aime, qui garde ses commandements. À qui? Dieu peut faire confiance. Dieu nous regarde. Pourquoi s'il n'y a pas un frère qui fait confiance à Dieu, à qui aussi Dieu peut avoir confiance? Comme il avait pour Job. Nous lisons l'écriture et nous nous limitons là-bas, frère. Jésus-Christ est merveilleux. Oh, église de Dieu vivant. Ézéchiel chapitre 14. Ézéchiel chapitre 14. Ézéchiel sura 19. 12e verset. Je vais me limiter là-bas. Église de Dieu vivant. Bien-aimés frères et sœurs. Dieu nous regarde maintenant. Je crois que ce matin, il y aura des filles de Dieu ici. Il y aura des fils de Dieu ici. Qui vont prendre position pour lui. Qui vont prendre position pour sa parole. Qui vont mettre leur vie en ordre. La parole de l'Éternel me fut adressée à ce mot. Fils de l'homme. Lorsque un pays péchera contre moi. Zambi, à se livrer à l'infidélité. Et que je t'aime à ma mère. Là, c'est le jugement. Suis lui. Et si je brise pour lui le bâton du pain. Et je lui envoie la famine. Et si j'en extermine les hommes et les bêtes. Là, c'est le jugement de Dieu. Qui est tombé sur un peuple. Qui a péché contre Dieu. Dieu ne restera pas, ne laissera pas les péchés impunis. Alors le jugement maintenant tombe. Le jugement maintenant tombe. Et qu'il y a au milieu de lui, ces trois hommes, Noé, Daniel, Job, ils sauveraient leur âme. Par leur justice, dit le Seigneur. Dieu regarde maintenant. Le pays a péché. Les hommes ont péché contre lui en faisant ce qui est abominable, en corrompant leur voix. Et Dieu regarde. Est-ce que il n'y a pas une sœur Daniel ici? Il n'y a pas un frère Noé ici? Il n'y a pas une sœur Job ici? Qui était Job? On n'a pas l'état de lire. Un homme intègre. Lisez Job chapitre 1. Je crois que c'est le premier verset au sixième verset. Comme j'ai compris. Un homme intègre. Craignant Dieu. Se détourna du mal. Tout ont péché. Mais Dieu cherche des hommes qui sont dans ce peuple-là. Des hommes intègres. Intègres, c'est fidèles. Fidèles. Qui craignent Dieu. Qui s'écarte du mal. Il craint Dieu et il s'écarte du mal. Il y a des gens, lui va embrasser le mal. Mais un fils de Dieu, une fille de Dieu, n'ira pas embrasser le mal. Lui va s'écarter du mal. C'est comme ça était Daniel. Oui, bien mes frères et sœurs. Et je vous dis, frère, ce matin ici, il y a déjà intègre ici. Il y a déjà fidèle ici. Il y a déjà qui craint Dieu. Bien mes frères et sœurs, c'est la vérité. Que Dieu nous fasse grâce, que nous soyons l'aide de ces gens-là. Qui était Daniel? Parce que Dieu cherche ces trois hommes. Daniel, c'est celui qui avait vu la qui avait la révélation. La révélation de son temps. Qui avait lu, qui avait la révélation de l'écriture sur la miraille. Que c'était la fin. Tekel ou parashim. Tekel ou parashim. Compter, peser, diviser. Trouver léger. Daniel avait la révélation de son temps. Frère, sa vérité. Qui était Noé? Noé, c'est celui qui avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Quand les hommes se sont corrompus, Noé. Genèse chapitre 6, verset 8. A trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et quand vous prenez ces trois hommes, frère, nous avons la révélation de cet temps ici. Nous sommes de Daniel. Est-ce que vous êtes là? Nous avons trouvé grâce dans cet temps ici. Nous sommes de Noé. Il y a aussi des hommes intègres dans ce message ici. Des sœurs à 30 ans, 25 ans, qui vont dans le mariage sans connaître le monde. Que le Seigneur les bénisse richement. Est-ce que vous êtes là? Il y a des vrais hommes dans ces messages et de vrais maris, de vrais maris et de vraies femmes, des hommes fidèles, intègres, remplis du Saint-Esprit. Noé, Job était animé par l'Esprit de Dieu. Mais ici, il y a des gens, qui sont remplis du Saint-Esprit. Des hommes intègres. Frère, Dieu nous regarde. Il regarde cette église. Maintenant, frère, pour voir, il n'y a pas une fille, il n'y a pas un frère qui prend position pour lui, qui prend la décision de donner sa vie au Seigneur Jésus. Oh Seigneur, pardonne-moi, reçois-moi. Je donne ma vie entre tes mains. C'est ce que Dieu nous regarde maintenant. Quelle décision, mon frère? Quelle décision, mon frère, ma sœur? Quelle décision, mon frère? Quelle décision, ma sœur? Que tu as pris en écoutant ces choses? Bien, mes frères et sœurs. Mais je crois que ce matin, il y aura des Daniel ici. Il y aura des frères et des sœurs qui vont prendre des décisions de suivre Jésus, de donner leur vie au Seigneur Jésus. Le Seigneur vous appelle. maintenant. Apasas. Oui, bien, mes frères et sœurs. Si tu prends la décision, peu importe ce que tu as fait, il a dit, je ne mettrai pas la serrière celui qui vient à moi. Le Seigneur t'attend maintenant. Quelle décision tu as pris? Ce n'est pas pour rien que tu es venu prier ici. C'est Dieu qui t'a appelé. Le premier jour, frère, que j'ai écouté ce message, c'est le même jour-là, j'avais pris la décision de de suivre le message. D'aimer Jésus. Je suis en train de vous demander maintenant. Pendant que nous avons les yeux fermés. Pendant que nous avons les yeux fermés. Je suis en train de demander cette église. Ne sortez pas encore. Ne sortez pas encore. Mes frères. Mes sœurs. Avant que. Bele. Nous prions pour les malades. Nous prions pour les cas. Je crois que il y a quelqu'un qui prend la bonne décision de donner sa vie au Seigneur Jésus. Ce matin, quelle décision tu as prise? Je vais prier pour toi, mon frère. Je vais prier pour toi, ma soeur. Si tu as écouté la parole et que tu as pris la décision de servir Jésus, d'aimer Jésus, de donner ta vie au Seigneur Jésus. Si tu es là, soulève ta main. Je vais prier le Seigneur pour toi. Soulève ta main, ma sœur. Soulève ta main, mon frère. Et je vais prier le Seigneur pour toi. Soulève très bien ta main. Celui qui a pris la décision. Celui qui prend la décision. De donner sa vie au Seigneur Jésus. Jésus t'appelle maintenant. Soulève bien ta main, mon frère. Ne regarde pas à gauche. Ne regarde pas à droite, ma sœur. Ne regarde pas à gauche. Ne regarde pas à droite. Jean est devenu le disciple du Seigneur. À l'âge de 12 ans. Mon frère, ma sœur, je te demande que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Soulevez votre main, n'ayez pas honte de Jésus. Jean est devenu la porte de Jésus à l'âge de 12 ans. Pour que tu acceptes Jésus, tu donnes ta vie au Seigneur Jésus. Il te faut combien de prédications? Mon frère, donne ta vie au Seigneur Jésus. Donne ta vie au Seigneur, le Seigneur, je t'appelle. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur, mets-toi debout. Celle qui a la main élevée, la mets-toi debout. Mettez-vous debout. Vous qui as, que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Pour la bonne décision. Que le Seigneur te bénisse. Venez ici. Qui entre? Nani mwingine? Qui veut donner sa vie au Seigneur Jésus. Laissez, prenez la décision vous-même. Prenez la décision vous-même. Que ce soit pas comme vous, si on vous force. La chorale chante. Et vous venez ici. Même si vous êtes au balcon. Vous voulez être serviteur de. Vous voulez servir Jésus. Donnez votre vie à Jésus. Même si vous êtes à l'extérieur. Entrez ici. Nous allons prier pour vous. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur. Que le Seigneur te bénisse. Si tu es là, viens. Si tu es là, viens. Jean est devenu le disciple du Seigneur à l'âge de 12 ans. Il te faut combien de prédications pour que tu prennes la décision de donner ta vie au Seigneur Jésus. Jésus t'appelle. Prends la décision toi-même. À l'âge de 12 ans, j'ai devenu le disciple de Jésus. Prends la décision toi-même. Soulève ta main et viens ici. Je vais prier le Seigneur pour toi. Je vais prier le Seigneur pour toi. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Venez. Venez, je vais prier pour vous. La chorale chante, venez vous-même. Venez vous-même. Que le Seigneur te bénisse. Pour la bonne décision. Ce sont des pas de victoire. des pas de victoire. Ce sont des pas de victoire. Venez ma sœur, venez. Venez. Ne mourrez pas vers ce monde. Prenez la décision de donner ta vie au Seigneur Jésus. D'accepter le vrai baptême au nom de Jésus. Jésus vous appelle. Venez frère, venez. Si vous êtes là, venez. Tu as pris la décision de donner ta vie au Seigneur Jésus. Venez, nous vous attendons. Pour la bonne décision, pour la bonne décision d'accepter Jésus et de donner ta vie au Seigneur Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. On accepte Jésus dans les larmes. Mets-toi debout. Tu acceptes Jésus, mon frère. Tu acceptes Jésus. Tu donnes ta vie au Seigneur Jésus. Tu acceptes même le baptême dans le nom de Jésus. Je prie, nous prions pour les baptiser. Tant de paix, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde. Merci Seigneur. Pour ta parole. Merci Seigneur. pour les frères et sœurs qui ont pris la bonne décision de ne pas mourir avec le monde, mais de te suivre, de te donner leur vie. Oh Seigneur, toi tu es le Dieu de la parole. Tu as dit, tu ne laisseras pas les sérieux. Tout celui qui viendra à toi, ils sont venus à toi, Seigneur. Ils t'ont accepté, oh Seigneur. Ils n'ont pas accepté un homme. Ils t'ont accepté, toi, Jésus. Oh Seigneur Dieu, pardonne leurs péchés, pardonne leurs iniquités, que ton sang les couvre, que tous les combats qui vont s'élever dans leur vie, qu'ils triomphent, qu'ils persévèrent dans la foi, qu'ils marchent, qu'ils persévèrent jusqu'à la fin. Oh Seigneur, donne de la nouvelle naissance. Oh Seigneur, baptise-le du Saint-Esprit. Ils sont venus à toi, Seigneur. À partir de qu'il y ait d'autres personnes encore qui croient. Quand les gens verront ta vie année et qu'ils sauvent d'autres personnes. Merci Seigneur Dieu. Si le diable se met dans la route, qu'il soit condamné. Toutes les oppositions, toutes les obstacles qui vont s'élever dans leur vie, que cela soit condamné. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Nous t'avons remercié par la foi. Amen. Amen. Dada, Ndoukou. Allez vers le diacre. Allez, le diacre, je vous envoie le frère. Dada, allez vers le diacre. Que l'église acclame pendant que le frère et sœur retournent. C'est une grande joie. Au ciel. Pour une seule âme. Qui se répand. Bien-aimés frères et sœurs, je veux juste prier pour les cas et les malades. Notre Dieu guérit. Notre Dieu rétablit. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Rien n'est impossible à notre Dieu. Amen. Rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Je ne sais pas ton problème. Je ne sais pas ton cas. Je ne sais pas ta demande. Mais si tu as un problème qui te dépasse, ce qui te dépasse ne dépasse pas notre Dieu. Ce que tu as peur, a peur de notre Dieu. Quel est ton problème? Quelle est ta demande? Si tu as un problème, soulève ce matin ta main. Si tu veux que Dieu te fasse quelque chose dans ta vie, suivez ce matin à main. Crois à tes propres prières. Crois aussi à la prière. Quoi, tout ce que vous demanderez en priant, à mon nom, croyez que vous l'avez et vous le verrez s'accomplir. C'est ce qu'il a promis. Même si tu pries pour quelqu'un autre, pendant que moi je vais prier, cite son nom dans ton cœur. Même si toi-même tu es malade, touche là où tu es malade. Que le Seigneur te touche. Que moi je ne te touche pas. Que Jésus te touche. Ne me montre pas ta main. Montre ta main à Jésus. Et qu'il te touche. Oui. Arrête Jésus par ta foi. Arrête-le. Comme la femme syrophénicienne qui a touché le bord des vêtements de Jésus. Et son écoulement a cessé. Il est le même hier au jour d'éternellement. Quel est ton problème? Tant de père. Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde. Regardez tous ces mains qui sont levées vers toi. Oh Seigneur. Oh Buan. Oh Père. Oh Baba. Tu connais derrière chaque main. Il y a une requête. Il y a un problème. Il y a une maladie. Il y a une préoccupation. Il y a un manquement. Descends, Seigneur. Descends, Père. Touche à ma sœur. Touche à mon frère. Peu importe le problème. Oh Seigneur. Ce qui nous dépasse ne te dépasse pas. Peu importe ce que les médecins ont dit. Peu importe ce que les hommes ont jugé, peu importe les espérances de la vie, mais tu es le Dieu des paradoxes, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des prodiges. Si tu descends, la solution est là. Amen. Oh Seigneur Dieu, le problème de ma sœur, le problème de mon frère n'est pas encore trop tard. Car pour Lazare, c'était encore trop tard. Il était déjà mort. Il était déjà enterré. Oh Seigneur. Mais il était ressuscité. Toi tu dis, pour celui qui est vivant, il y a de l'espoir. Oh Seigneur. Nous voulons te voir, Seigneur. Nous voulons te prier. Comme Bartimée qui a crié, je veux voir. Je veux voir. Chacun de nous aussi. Oh, que celui qui est malade retourne guéri. Au nom de Jésus-Christ. Peu importe la maladie. Je prends de A à Z. Pour nommer tous les noms des malades. Pour les démons qui dérangent le peuple de Dieu. Qui dérangent mon frère, ma sœur. Je vous l'ordonne. Au nom de celui qui vous a vécu à Golgotha. Quittez. Allez dans les lieux arides. Que la bonne santé entre. Que la guérison entre. Que la paix entre. Pour celui qui n'a plus la paix. Oh Seigneur. Baptise du Saint-Esprit. Celui qui en a besoin. Donne la nouvelle essence à celui qui est disposé. Donne-nous la foi, Seigneur. À celui qui n'a plus la foi. Donne la force à celui qui a manqué la force. Oh Seigneur. Descends au Père. Tu connais les problèmes de tout un chacun. Donne l'argent à celui qui a besoin de l'argent. Donne au Seigneur le mariage à celui qui a besoin d'un mari. Donne l'argent à mes frères. Donne-nous l'argent, Seigneur, pour celui qui veut se marier. Au Père, nous avons besoin de toi, Seigneur. Donne le travail à celui qui n'a pas le travail. Nous nous abandonnons à tes mains. Merci Seigneur. Merci au Père. Si tu nous as donné la vie, qu'est-ce que c'est la guérison divine? Qu'est-ce que c'est l'argent? Qu'est-ce que c'est la paix? Nous croyons, Seigneur, que celui qui est en train de se malade sortira guéri. Avec problème, la solution va les poursuivre. Avec pauvreté, l'argent va les poursuivre. Merci Seigneur Jésus. Merci au Père. Sois loué à jamais. Au nom de Jésus-Christ, Père. Tu as demandé. Tu as prié par la foi. Amen. Amen. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse richement. Merci aussi pour la patience. Comme c'était le dernier rendez-vous pour ce voyage, vous nous avez supporté, que le Seigneur vous bénisse. J'avais déjà demandé les salutations. Je crois que si là où je vais prêcher demain, ils ont quitté le mardi, je vais quitter le lundi demain. Mais s'ils ont quitté le mercredi, je peux quitter même le mardi pour me reposer un peu. Le Seigneur vous bénisse richement.